Chapitre 51. Ainsi, cette entrevue avec Balbine avait produit les résultats ordinaires de toutes les recherches du marquis, le doute et la contradiction. Ce qui était affirmé d'un côté était nié d'un autre. Cependant, un fait implacable ressortait de cette entrevue. Emma avait écrit ces trois lettres. Mais cet appel désespéré d'une mère qui se sent mourir, prouvait-il qu'il n'était pas le père de Denise? Non. Et pour être juste, il ne fallait pas s'exagérer la valeur de cette révélation. Il pouvait ne pas être le père de Denise, mais il pouvait aussi très bien l'être. La conclusion était donc toujours fatalement la même, le doute avec ses angoisses. Dans ces conditions, il ne pouvait plus la reconnaître comme son enfant et lui donner le nom de Rudemont, car elle était peut-être la fille de ce Cornaton ou de ce Chevine. Mais d'un autre côté, il ne pouvait pas non plus l'abandonner, car elle était peut-être sa fille. Ainsi, toujours devant lui, cet horrible peut-être, abîme sans fond, sur lequel il se penchait anxieusement pour n'apercevoir que le trouble et la confusion. Ce fut en agitant ces tristes réflexions qu'il revint à Rudemont. Comme à l'ordinaire, avant de prendre le train, il avait envoyé une dépêche à Rudemont pour qu'on vînt avec une voiture l'attendre à la station. Ce télégramme était arrivé au moment où l'on était à table pour déjeuner, et Madame Méraud, en le décachetant, l'avait lu haut. « Si nous allions devant de monsieur le marquis, » avait dit Clémence en s'adressant à Denise, « oh, avec plaisir. Cela nous ferait notre promenade, et monsieur le marquis serait peut-être bien aise de vous voir quelques instants plus tôt. » En réalité, c'était elle qui avait hâte de voir le marquis. Sans doute, il ne pourrait pas lui faire des confidences, et elle-même, elle ne pourrait pas l'interroger. Mais à la façon dont il regarderait Denise, elle comprendrait quel effet avait produit ce voyage à Paris. Elles partirent donc dans la calèche. Elles arrivèrent en avance et en attendant, elles restèrent dans la voiture qui était découverte. Cependant, comme le train était en retard, Denise, qui s'ennuyait dans la calèche, descendit pour aller voir embarquer des bœufs dans un wagon. Tout à coup, le sifflet d'une machine retentit, c'était le train qui arrivait. Avec son mouchoir, Clémence fit signe à Denise de revenir, mais celle-ci, occupée à regarder un bœuf que le tapage du train avait effrayé et qui ne voulait pas se laisser pousser dans le wagon, ne vit pas le signal que son institutrice lui faisait. Ce fut seulement quand le bruit eut cessé qu'elle entendit ses appels faits d'un ton irrité. Aussitôt elle se dirigea vers la calèche, mais à ce moment même le marquis sortait de la station. Alors elle courut au-devant de lui et gaiement elle lui sauta au cou. « Bonjour mon parrain !» Les désolantes pensées du voyage ne tinrent pas contre cette caresse enfantine. Il lui rendit son baiser. « Bonjour mon enfant, comment donc êtes-vous ici ?» « C'est Madame Clémence qui a proposé de venir au-devant de vous, n'est-ce pas que c'est une bonne idée ? Très bonne. » Ils étaient arrivés à la calèche, où Clémence se trouvait, assise à la place qu'elle avait occupée en venant, c'est-à-dire sur le siège de derrière. Le marquis eut bien voulu lui tendre la main, mais dans la cour de la station, en présence de 50 personnes, la familiarité eût pu paraître excessive. Il se contenta de la regarder, mais il ne trouva pas en elle la caresse qu'il était accoutumé à voir dans ses yeux. Elle était en effet sous l'empire d'une vive contrariété. En venant à la station, ce qu'elle avait voulu, ça avait été surprendre le premier regard du marquis quand il apercevrait Denise, et par un concours fortuit de circonstances, cette expérience avait manqué. « Vous avez eu une bonne idée de venir, » lui dit-il, « je vous en remercie. »« J'ai pensé que vous seriez heureuse de voir Denise, » répliqua-t-elle. « Denise ? Ce n'était point Denise qu'il avait pensé en parlant ainsi, mais à elle. » Pourquoi feignait-elle de ne pas comprendre son intention ? Il fallait monter en voiture. Il tendit la main à Denise, et celle-ci sauta légèrement sur le marchepied. Mais elle s'arrêta aussitôt sans s'asseoir, embarrassée. Ordinairement, en effet, elle se plaçait sur le siège de derrière à côté du marquis, tandis que Clémence s'asseyait sur le siège de devant à reculons et leur faisant face. Mais Clémence n'aimait pas quitter la place qu'elle avait occupée en venant. Après un moment d'hésitation, causé uniquement par ce changement dans des habitudes adoptées, Denise allait s'asseoir sur le siège de devant quand le marquis la retint. « Asseyez-vous là, » dit-il en lui indiquant du doigt la place auprès de Clémence. « Mais vous, mon parrain, je ferai le voyage à reculons. » La route se fit silencieusement, car personne n'était disposé à entamer ni à soutenir la conversation. Ce n'était point par oubli que Clémence avait gardé sa place dans la calèche. Après sa première expérience, qui avait échoué, elle avait voulu en tenter une seconde en forçant, pour ainsi dire, le marquis à éloigner Denise. si la lettre de Balbine avait produit l'effet qu'on en devait attendre, il n'hésiterait pas assurément à repousser cet enfant, devenu à ses yeux une étrangère. Non seulement il ne l'avait pas repoussée, mais encore il avait nettement indiqué qu'il voulait qu'elle gardât sa place habituelle. Cela était significatif, et pour Clémence, parfaitement clair. Ce qu'elle avait voulu en lançant M. de Carquebus en avant n'avait donc pas complètement réussi. Et si les sentiments du marquis se trouvaient modifiés à l'égard de Denise, c'était dans une certaine mesure qu'elle ne pouvait au juste apprécier. Quels étaient-ils maintenant? Elle fit plusieurs tentatives pour le savoir, mais le marquis se tint à ce sujet dans une réserve qu'elle ne put percer. Évidemment, Denise n'était plus pour lui ce qu'elle avait été, mais tous les liens qui l'attachaient à elle n'étaient pas rompus, et ceux qui, sous le coup de la lettre de Balbine, s'étaient trouvés ébranlés, pourraient très bien se raffermir avec le temps. C'était à quoi elle devait parer, si elle voulait sûrement atteindre le but qu'elle poursuivait. Elle combina donc un nouveau plan, qui devait lui livrer le marquis, et aussitôt elle écrivit à son mari, dont le concours lui était nécessaire, la lettre suivante. « Ainsi, mon vieux Cap, depuis nos longs mois de séparation, tu ne t'es pas ennuyé de ta petite chatte, et tu n'as pas éprouvé une seule fois le désir de la venir voir. Il est vrai que de temps en temps tu lui as écrit, quand tu ne pouvais pas faire autrement. Il est vrai encore que tu lui as envoyé un souvenir par ce vieux cocodès de Carquebus. Mais c'est tout. Eh bien franchement, ce n'est pas assez. Vous avez donc oublié que vous étiez marié, monsieur le capitaine, et que vous aviez une femme à laquelle vous deviez toute votre affection. Qu'est-ce que tu as juré devant monsieur le curé, misérable ? Je comprends que Paris soit un endroit favorable à l'oubli des serments de cette espèce. Mais de ton côté, tu dois bien t'imaginer que Rudemont n'est point un endroit dans lequel une femme se trouve entraînée au milieu d'un tourbillon de plaisir. Sans doute, j'y jouis de la société du marquis et de son cousin Artem. Mais tu les connais tous deux, et tu sais s'ils sont récréatifs. Le marquis, un Hercule en beurre. Le cousin Artem, un type de hobereau qui, au théâtre, joué par Delannoy, pourrait paraître plaisant, si on pouvait le représenter tel qu'il est avec son mélange de grossièreté paysannesque et de vanité bourgeoise, mais qui, dans la réalité, devient à la longue véritablement assommant. Dans ce milieu, tu dois donc sentir, sans qu'il soit besoin de longues explications, que je ne m'amuse pas follement. Aussi je deviens mélancolique et sentimental. Ne ris pas, cela est ainsi. Je pense à toi, mon vieux Cap, et plus d'une fois, en me promenant triste et solitaire, jusqu'à mon style qui reflète l'état de mon âme, en me promenant triste et solitaire, je me dis qu'il me serait doux de m'appuyer sur les bras d'un certain capitaine, qui, il y a quelques années, savait si agréablement murmurer des paroles d'amour à l'oreille d'une petite femme qu'il prétendait adorer. Les as-tu oubliées, ces paroles ? Dis-moi, soldat, t'en souviens-tu, tu-tu-tu-tu-tu-tu ? Sérieusement, je les retrouve encore au fond de mon cœur avec leur accent passionné. Pourquoi ne viendrais-tu pas me les redire ? Pourquoi ne ferions-nous point l'un et l'autre un pas pour remonter dans le passé ? Il y a assez longtemps que nous ne nous sommes vus pour goûter, en nous trouvant ensemble, le plaisir de la nouveauté. Il y a un mois, en t'adressant cette invitation, je t'aurais dit de venir me voir tout simplement au château. Et j'aurais mis à ta disposition tout ce qu'il contient, chevaux, voitures, chiens, etc. Mais la bande de la lettre de Babine, comment tu peux la donner à si bas prix ? Ne t'as pas mis en bonne odeur auprès du marquis, et je crois que s'il te voyait arriver à Rudemont, il pourrait bien te faire mauvaise mine. Je ne veux point t'exposer à cela, car il me plaît que, partout où je suis, tu marches la tête haute. Donc, si tu adoptes l'idée de venir me voir, voici ce que je te propose. Au lieu de venir à Rudemont, tu resteras à Condé, où tu trouveras, à l'hôtel du Bœuf Couronné, bon gîte et bonne table. Le cognac surtout y est, dit-on, de première qualité. Le soir, après ton dîner, tu monteras à cheval et tu viendras à Mulsan, où tu laisseras ton cheval à la première auberge en arrivant. Alors tu monteras à pied la côte qui conduit à Rudemont, et tu t'arrangeras pour arriver sur l'esplanade quand 11 heures sonneront. À ce moment, une femme, tremblante, sortira d'un bosquet et se jettera dans tes bras, passionnée. Ce sera elle, c'est-à-dire ce sera moi, ta petite chatte chérie. Quant à te faire entrer dans le château, quant à t'en faire sortir, ne t'inquiète pas de cela, c'est mon affaire. Non, c'est le chant de l'alouette. Pars, cher Roméo. J'ai un balcon à t'offrir. Franchement, ne trouves-tu pas cela piquant que je te reçoive comme mon amant ? C'est dans cette espérance que t'embrasse celle qui t'aime tendrement, ta Clémence. P.S. S'y inclut un pauvre petit billet de banque. Je ne t'en envoie qu'un de peur que tu restes à t'amuser à Paris. Au retour, je te lesterai plus solidement. Je te couvre d'or. Quel triomphe à ton âge! Et ce qu'il y a de terrible, c'est que tu trouveras cela tout naturel. Enfin, à bientôt, n'est-ce pas? Écris-moi pour me fixer le jour de ton arrivée.